de babalo, je craque dans le snack. Et si t'arnaques, je te braque et tu m'attraques. À fond dans mon 30 tonnes, bien stone, je sniffe de l'acétone, ça détonne. Whisky, cocaïne, passe-moi la biline. C'est pas toi le beatnik, c'est Nick qui m'a donné au flic du stick. Fini les tripes pour toi, pauvre type. Chaque con slip et puis tu flippes. La poudre aux yeux dans la shooteuse. Vieux flash merdeux arrosé de gueuse. Moi du marocco coco, du bon 00 pas crado. Une araignée dans le plafond, des molécules dans le biberon. Whisky, cocaïne, passe-moi la bibine. J'en ai ma claque amigo, j'y prends la cure de désintox. Métro boulot, j'en ai plein le dos. Coco cyclo, c'est vraiment trop. Disco héros, dodo marteau, je me sens devenir parano. La petite overdose du matin. La petite overdose du soir, on